je cours. Je cours, je cours, je cours. Oh là là, je cours toujours. 6 heures réveil n'a même pas sonné. J'enfile mes pompes, je file sous la douche. Vitres et coupées, déjà fringuées. Didet sur pouce, c'est déjà la course. Une journée qui part sur les chapeaux de roue. À fond je démarre, souris au radar. J'ai pas le temps de dire ouf, j'ai plein de rendez-vous. J'ai le téléphone qui sonne, on me klaxonne. Je cours, je cours, je cours. Oh là là, je cours. Je cours, je cours, je cours. Oh là là, je cours toujours. Maintenant je me dépêche, je regagne la crèche. Ce soir mes amis m'ont dit oui à l'invite. J'ai rien préparé, c'est là que ça pêche. Un truc de secours qui se cuisine vite. Le dimanche comme d'hab on se retrouve en famille. J'ai pépé mémé, ça chahute, ça swing. On est comme des oufs, chaque fois ça part en vrille. Après le café pouling, faut que j'aille faire mon footing. Je cours, je cours. Je cours, oh là là, je cours. Je cours, je cours, je cours. Oh là là, je cours toujours. Je cours, je cours, je cours. Je cours, je cours.